saluons tous au nom de Jésus-Christ. Hier, on a oublié de vous annoncer que la sœur Louise était transférée à Ikasia Panda. Da Louise a été à Ikasia Panda. À la réanimation. J'étais avec son mari hier. Ce matin, j'ai parlé avec lui. La santé s'est améliorée ce matin. Afya yake ilirudishwa mzuri asubuhi ya leo. N'oubliez pas de prier pour lui. Lakini mshisabu kumuombea. Parce qu'il est encore dans la réanimation. Juu bakingari na mureanime. Levons-nous pour la prière et la lecture. Tusimame juu ya maombi na juu ya usomi. Jésus revient. Alléluia. Jésus. Alpha et l'Oméga. Alpha na Oméga. Toi seul, tu es le Tout-Puissant. Oué peke oko mwenyezi. C'est toi seul la vie. Oué peke njo bujima. C'est toi seul qui es la lumière. Oué peke njo nuru. Et c'est toi seul qui es la consolation de l'humanité. Na oué njo mwenye kuya faraja ya ulimwengu. Nous venons cet après-midi parce que nous avons confiance en toi. Et nous croyons que tu nous feras du bien et non du mal. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de nous repentir de nos fautes, de nos iniquités et de tout mal que nous avons commis. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous, Seigneur. Nous avons confiance en toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous invitons ton esprit de sanctification qui descende encore ce soir et conduise nos pas sous les chemins ensanglantés. Merci, ô Père. Santi Baba. Guéris les malades au milieu de nous. Amen. Ramène ceux qui sont perdus. Baptise du Saint-Esprit ceux qui n'en ont pas. Manifeste-toi d'une manière particulière et ton nom sera glorifié. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as envoyée au temps du soir. Viens, Seigneur, comme c'est toi le seul conducteur, dirige-nous vers les eaux. Utuongoze kumaji, les eaux de la vie, maji ya bujima, et nous en boirons, Seigneur. Na tutakunywa Bwana. Bénis chacun de nous. Bariki la moja wetu. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno ambayo itasomewa. Début à la fin. Mwanzo na kumwisho. Sois avec nous. Ukuwe pamoja nasi. Au nom de Jésus-Christ. Mjina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Jérémie au chapitre 1. Yeremia sura yake ya kwanza. À partir du verset 4. Kuanzia kwa mstari yake ya 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Neno ya milele linilitewa mimi semo. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, mbele ya miku kutunga mtumbo ya mama yako, je te connaissais. Niri kuyuwaka. Et avant que tu sois sorti de son sein, na mbele ya we kutoka mtumbo yake, je t'avais consacré. Niri kutolea. Je t'avais établi prophète des nations. Na niri kuweka nabii wa mataifa. J'ai répondu à Seigneur l'Éternel. Nikajibu a Bwana wa milele. Voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Tazama mishiwe kusema juu nikingawe mtoto. Et l'Éternel me dit. Na wa milele akaniambia. Ne dis pas je suis un enfant. Hapana kusema niko mtoto. Car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai. Ju utenda kwa bantu bote kule ambao mitakutuma. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Na utasema biote ambao nitakuamuru. Ne le crains point. Ushiba ogope. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ju niko pamoja na wewe jua kukukombola hivi wa milele anasema. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Kisha wa milele akanyosha mkono yake na kagusa kinywa kyangu. Et l'Éternel me dit. Na wa milele akaniambia. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tazama naweka maneno yangu mkinywa kyako. Regarde. Angari. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Na kuweka leo yule ya mataifa. Et sur les royaumes. Na yule ya maufalme. Pour que tu arraches. Ju upate kukokota. Et que tu abattes. Na upate kupika. Pour que tu ruines et que tu détruises. Ju upate kupomona na kuharibisha. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ju upate kuyenga tena na upate kuotesha. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka yake kusomea neno yake. Hier, j'ai attiré votre attention. Jana niliweka angalisho yenu. C'est la manière qu'il faut me suivre. Juu ya namna ambayo mnapaswa kunifuata. Je vous ai dit, nilimeonesha que je vais combiner deux choses à la fois avec cet enseignement. Kusema nitachanga vitu viwili mara moja na hii mafundisho. Je prendrai et l'enseignement et l'évangile en même temps. Nitabeba na mafundisho na injili mwakati moya moya. Et chacun de vous doit être attentif. Na kila moja wenu anapaswa kuwa msikilivu. Pour saisir les changements de ces deux choses. Ju apate kuelewa mabadiliko ya hivi vitu viwili. Et de cette manière vous comprendrez correctement qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait nous dire. Na mwile namna mtaelewa mzuri ile Roho Mtakatifu anapenda kutuonesha. Nous avons commencé depuis hier à parler de l'appel de Jérémie. Tangia jana tulianza kusemea juu ya wito ya Yeremia. Mais avant cela nous vous avons dit. Lakini mbele ya ile tulimeonesha que ce livre de Jérémie est presque résumé en trois parties. Hiki kitabu kia Yeremia ni kenye kukatiwa kadiri mu vipande vitatu. Parce que la quatrième partie, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur ce peuple apostat. Ju kipande kia ine ni kasirani ya Mungu ile konangukia kutaifa yenye kuachilia imani. Il y a l'appel de Jérémie au ministère. Kuko kuitwa kwa Yeremia kuhuduma. Il y a la manifestation de Dieu pour son peuple élu. Kuko kuonekana kwa Mungu kutaifa yake iteule. Il y a l'abandon d'Israël. Kuko kuachilia kwa Israel. L'apostasie d'Israël et l'abandon de Dieu. Kuachilia kwa imani kwa Israel kwa kumachilia Mungu. Et il y a la colère de Dieu qui vient sur ce peuple. Na kuko kasirani ya Mungu yule anakuja kuile taifa. Nous avons montré que le chapitre premier de Jérémie. Tulionyesha kusema sura yake ya kwanza Yeremia. Comme nous venons de le lire. Hivi tunatokea mkuisoma. Et centré sur l'appel de cet homme de Dieu. Ni yenye kuwe kushimamia muwito ya Yeremia. Et nous voyons ici une définition claire de la mission qu'il devait accomplir. Na tuko naona maana ya wazi ya ile kazi alipasha kutimiza. Dieu a appelé ce jeune homme pour l'établir comme prophète des nations. Mungu aliita wikiana juu apate kumweka nabii wa mataifa. Il parlait à Israël et en même temps il parlait à toutes les nations païennes. Alianza kuzungumza na Israel tena mwakati moya moya na taifa ya kipagano. Si vous avez suivi bien la lecture, na kama mulifuata mzuri hii usomi, il a reçu une mission très compliquée. Alipata kazi ya nguvu kabisa. Parce qu'il devait parler à un peuple qui avait déjà abandonné Dieu. Juu alipata kusema kwa taifa ile ilikuwa isha kuachilia Mungu. Et un peuple qui s'écartait davantage de la présence du Seigneur. Na taifa ambayo ilikuwa isha kuenda mbali na uwepo wa milele. Dans le ministère. Moma uduma, ou dans l'œuvre de Dieu, ao mukaji ya Mungu, il n'y a pas une chose difficile comme parler à un homme, à un foyer ou à un peuple qui abandonne Dieu. Mukaji ya Mungu amukale kitu kia nguvu sawa kusungumuza na taifa ao muntu ule ambacho acha Mungu. Quand quelqu'un abandonne Dieu, kama mtu anaacha Mungu, signifie qu'il n'a plus l'amour de Dieu dans son cœur. Maana yao ni kusema ule mtu ashina tena na mapendo ya Mungu ndani ya roho yake. Il est plein de l'amour du monde. Ni mwenye kujaa na mapendo ya dunia. Et vous savez que l'amour du monde vient du diable. Na mnajua kusema mapendo ya dunia inatokea kwa shetani. Et quand quelqu'un est rempli de l'esprit du diable et de l'amour du diable en lui, na wakati mtu anayala na roho ya shetani na mapendo ya shetani ndani yake, il est totalement sous l'emprise de l'ennemi. Ni mwenye kutawaliwa kabisa na shetani. Qui ne voudra pas que cet homme-là prête oreille à la aux avertissements de l'Éternel. Shetani ashitapenda ule mtu apate kushikia makalamusho ya milele. Mais le message doit être apporté. Lakini ujumbe unapasha kuletewa. Les hommes de Dieu doivent toujours parler. Batumishi wa Mungu wanapasha kila mara kusema. Parce que à travers leur ministère, Dieu montre son affection envers son peuple. Juu kupitia mahuduma yabo Mungu yuko anaonesha mapendo yake kwa taifa. C'est pourquoi il faut toujours écouter quand je parle. Ndio kwa maana napasha kila mara kushikia wakati Mungu yuko anasema. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Japokuwa mambo haina yote. Il faut toujours écouter Dieu. Inapasha kila mara kushikia Mungu. C'est ainsi que nous avons parlé de l'appel de Jérémie. Ndio kwa maana tulisema juu ya wito wa Yeremia. Dieu a dit comme nous l'avons lu ici. Mungu alisema paka vile tulisoma. Que avant qu'il les forme dans le sein, dans le ventre de sa mère. Mbele yake kumutunga mtumbo ya mama yake. Dieu les connaissait. Mungu alimuyuwaka. Et dès le sein de sa mère, natangia mtumbo ya mama yake, Dieu l'avait consacré. Mungu alimutolea. Il l'avait choisi. Alimuchakula. Il l'avait établi. Na alimuweka. Il l'avait consacré. Alimutolea. Comme un prophète des nations. Sawa nabii wa mataifa. C'est pourquoi nous avons dit hier. Ndio kwa maana tulisema jana. Que nous sommes réellement connus de Dieu. Kusema hakika Mungu anatuyua. Si nous sommes des véritables élus. Kama tuko bateule ba vya kweli. Nous sommes ici parce que Dieu nous a prédestinés à la vie. Tuko paifuashi ni juu Mungu alitutayarisha juu ya kuzima. Mais nous devons toujours comprendre les choses correctement. Lakini tunapasha kila mara kuelewa vitu mnamna mzuri. Parce que Satan est très rusé. Juu shetani ni mujanja kabisa. Dire que nous sommes élus parce que nous sommes ici. Kusema que tunateuliwa juu tuko paifuashi. Cette parole là. Ile tu misemo ile. Ne s'adresse qu'aux véritables élus. Iko naangalia paka bateule babia kweli. Parce que cette église est une foule mélangée. Juu kanisa ni kinkundi kia mchanga. Il y a de véritables fils de Dieu. Kuko ba toto ba Mungu ba kweli. Il y a des chrétiens de nom. Na kuko ba Kristo ba njina. Il y a aussi des païens. Na kuko ba pagano. Les chrétiens de nom et les païens ne comprennent pas les voies de Dieu. Ba Kristo ba njina na ba pagano hawaelewake manjia ya Mungu. Quand je parle, juu wakati Mungu unasema, Satan vient les interpréter sa parole d'une autre manière. Shetani anakuja kutafsiri ile neno mnamna. Mais il n'y a que les élus qui ont l'interprétation juste de ce que Dieu dit. C'est pourquoi la nouvelle naissance est fondamentale. Mais faites très attention à la déclaration que je vais faire. Pour naître de nouveau, vous devez être prédestiné à cela. Unapasha kwanza kutayarishiwa kwa ile. Si vous n'avez jamais été prédestiné à naître de nouveau, Dieu a kama kutayarishwaka kuzalika mara ya pili, vous naîtrez jamais de nouveau, peu importe ce que vous faites. Hautazalikaka kamwe mara ya pili hata unafanya vitu vya aina gani. Et pour voir que tu es prédestiné à la vie et à naître de nouveau, kwa kuona kusema ulitayarishwa juu ya kuzalika mara ya pili na kuzima, et observer si la parole de Dieu, angalia na waangalishishe kama neno ya Mungu, et alors toute la parole de Dieu, na neno ya Mungu yote, si elle trouve place dans votre vie, kama iko napata fwashi ndani ya maisha yako, quels sont les sentiments que vous avez envers la parole lorsqu'elle est apportée, ni mania gani inakalaka ndani yako wakati neno ya Mungu inahubiriwa, quelle est la vie que vous menez lorsque la parole de Dieu vous est apportée, maisha gani uko naishi wakati neno ya Mungu iko nahubiriwa, lorsque vous êtes dans une erreur, wakati uko unapatikana mkosa, et que la parole de Dieu vous est donnée, na wakati neno ya Mungu nakuletewa, quels sont les sentiments qui se lèvent en vous envers la parole, ni mania gani inalamka ndani yako kisha wewe kushika ile neno, est-ce que cette parole que vous écoutez porte-t-elle des fruits? Est-il neno wewe uko nashikia inakalaka mkutoa matunda? Qui justifie ce que vous avez reçu? Yenye iko na hesabia kile wewe ulipokea? Et ce que vous prétendez être? Na kile uko nawajia kuya? Parce que vous ne pouvez pas dire. Tu aweze kusema? Dieu m'a connu. Mungu aliniuaka. Il m'a prédestiné à la vie. Alinitayarisha juu ya kuzima. Et à la nouvelle naissance. Na juu nipate uzaliwa mara ya pili. À une vie sanctifiée. Maisha utakaso. Au baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mais dans votre vie. Lakini maisha yako. Il y a une incrédulité notoire. Munapatikana kutokuamini kwenye kuonekana wazi. Kwa hivyo ndugu frère. Munaona ndugu mpenzi. Même là où un païen peut vivre correctement, mais toi tu ne vis pas correctement. Hata pafashi pale mpagano anaweza kuishi mzuri lakini wewe huishi mzuri. Un homme de bon sens. Mutu wa maali mzuri peut abandonner le péché. Anaweza kuacha dhambi. Mais toi tu as des difficultés pour abandonner ce péché là. Mais wewe uko na magumu juu ya kuacha paka ile dhambi. Même là où un homme naturel. Hata pale ule mtu tu asili peut agir correctement. Anaweza kutenda mnamo mzuri. Sans hypocrisie. Bila masula mbili. Mais vous en tant vous qui prétendez être élu. Wewe mwenye kukusania kwa mteule. Vous vivez dans l'hypocrisie. Uko naishi munafiki. Ah ça c'est très grave ça. Ile ni ya hatari ile. Votre élection est tentée. Kuchakuliwa kwako ni kwa kushakia kabisa. Parce que vous ne manifestez pas les fruits de l'élection. Ju aonekanishe matunda ya kuchakuliwa. Regardez cet homme de Jérémie. Angalia huyu mtu wa Yeremia. Tu dis je t'avais connu. Mungu asemeni likuyuaka. Il l'a pas seulement connu dans les seins de sa mère. Asikumuyoka paka mtumbo ya mama yake. Comme Dieu est éternel. Na vile Mungu ni wa milele. Dieu le connaissait même avant l'éternité. Mungu alimuyuaka hata mbele ya misingi kuyako. Et nous devons vivre. Na tunapasha kuishi. Et manifester dans notre vie propre. Na kuonekanisha maisha yetu ya kipekee. Ce que Dieu avait vu en nous. Kile Mungu alionaka ndani yetu. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Et quand Jérémie est arrivé. Na wakati Yeremia alikuya. Il a manifesté le dessein de Dieu dans sa vie. Alionekanishaka makusudi ya Mungu ndani ya maisha yake. Et vous devez aussi manifester les desseins de Dieu dans votre vie. Na mwema unapaswa kuonesha makusudi ya Mungu ndani ya maisha yenu. C'est un signe évident. Na ni alama ya kuonekanisha. Prouve que tu as été connu de Dieu. Yenyeko naonesha kusema Mungu alikujuaka. Parce que vous marchez dans la volonté de Dieu. Tu uko natembea mapenzi ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Quand on est consacré à quelque chose. Wakati unajitoa mkitu fulani. Quand Dieu vous consacre à quelque chose. Wakati Mungu anakutolea mkitu fulani. Vous êtes destiné à quelque chose. Unatayarishwa juu ya kufanya kitu fulani. Dans votre vie. Mu maisha yako. Il y a cette réalité manifeste. Muko ile ukweli ambayo inaonekana. Vous-même dans votre vie, vous serez un homme ou une femme consacré aux choses de Dieu. Wewe peke mu maisha yako unapaswa kuwa mwanaume au mwanamke. Mukile Mungu alionaka. Dieu ne peut pas vous consacrer. Mungu asiwezi kutolea. Mais quand on arrive dans votre vie, wakati tunafika maisha yako, il n'y a rien qui est consacré. Hakuna kitu kenye kutolewa. Non bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Non bien-aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Nous devons comprendre cela correctement. Tunapasha kuelewa ile mambo mnamna mzuri. Lorsque nous avons cette assurance. Na wakati tuko na ile hakikisho. Que Dieu nous connaît. Kusema Mungu anatujua. Nous avons été prédestinés à la vie. Kusema Mungu alitutayarisha juu ya kuzima. Et là nous n'avons rien à craindre. Pale hatutakuwa na kitu cha kuogopa. Oui bien mes frères. Ndio ndugu mpendwa. C'est pourquoi Dieu dit ici. Dieu dit ici à Jérémie. Mungu anasema hapa na Yeremia. Quand Dieu appelle Jérémie, wakati Mungu aliita Yeremia, Jérémie répond. Yeremia anajibu. Ah, Seigneur l'Éternel. Ah, Bwana wa milele. Tu m'appelles moi un petit enfant comme ça? Unaniita mimi mtoto kiloko hivi? Mais je ne sais pas parler. Lakini siwe kusema. Jérémie ne comprenait rien, il était un enfant. Yeremia shikuyuaka kitu alikuwa kingari mtoto. Il ne connaissait pas celui qui lui parlait. Asikwanza kujua yule alianza kusungumza naye. Mais Dieu lui dit. Lakini Mungu anamwambia. Mais ne dis pas que tu es un enfant. Hapana kusema sema ukingari mtoto. Mais moi j'étais choisi. Lakini mimi nilikuchagua. J'étais destiné. Nilikutayarisha. Aller par tout le monde. Ya kwenda fwashi yote. Là où je t'enverrai. Kule nitakutuma. Ça ne dépendra pas de toi. Il a été angaria kwako wewe mwenyewe. Jérémie. Moi je ne travaille pas. Mishi tumikake. Avec les muscles humains. Na ma muscle ya bumuntu. Ce ne sont pas les capacités humaines que moi j'utilise. Aina mauwezo ya bumuntu ile mimi natumikishaka. Non Jérémie. Hapana Yeremia. C'est par mon esprit. Ni kupitia roho yangu. Que j'accomplirai mon œuvre. Ile nitatimiza kazi yangu. Ne crains point. Usiogope. D'ailleurs pour te rassurer. Pia kukuhakikisha. Tu ne seras pas seul. Hautakuwa pekee. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja na wewe. Je t'accompagnerai. Nitakushindikiza. Partout où je t'enverrai. Fwashi yote kule nitakutuma. Quelle assurance. Akikisho kani ile ya kubarikiwa. Que cet homme de Dieu a reçu. Ile ambayo mtu wa Mungu alipokeaka. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Il y a souvent une fausse pensée. Kunekalaka mara mingi wazo mubaya. Qui s'élève dans les jeunes filles et les jeunes garçons. Ambayo inalamukaka kuba binti banamuke na babiana banaume. Même dans les enfants. Ata katikati ya batoto. Il pense que banawajiaka kusema servir Dieu kutumikia Mungu il faut attendre la vieillesse. Inapasha paka uchunge uzeeke. C'est Satan qui trompe les gens. Ni shetani yuko na landa bantu. Il pense que ils doivent jouir de la jeunesse. Banawajiaka kusema anapasha kufurahiwa na buyana. Ils doivent traverser toute la folie de la jeunesse. Kusema banapasha kupita mu majimu yote ya mubuyana. Et beaucoup de jeunes gens pensent que na babiana ba mingi banawazaka kusema Dieu ferme ses yeux au péché de la jeunesse. Kusema Mungu anakalaka mukufunga macho muzambi ya buyana. Pour les jeunes et les enfants, tout leur est permis. Dieu a batoto na babiana ba byote binaruhusiwa kwabo. Quelle séduction, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères. Ni utongozi kani babiana banaume na banawake. Une telle pensée. Kuna ile mawazo ile namna. C'est avoir Satan dans son cœur. Ni kwa na shetani muroe hapo. Il n'a qu'une seule mission. Mwenye kwa na kazi tu moya. De vous perdre. Ya kukupotesha. C'est vrai. Ni kweli. Ne pensez jamais. Ushiwazi yake kamwe. Que servir Dieu. Dans l'enfance. Kusema kutumikia Mungu mubutoto. Ou dans la jeunesse. Au mubuyana. C'est perdre son temps. Kusema ni kupotesha wakati yako. Ça c'est une erreur très grave. Ile ni kosa mkubwa kabisa tena ya hatari. Frère Branham a fait une déclaration, il a dit. Ndugu Branham alisema kama msemo na alisema. C'est une très grosse erreur. Ni kosa mo munene. Pour les jeunes gens. Kwa babiana. De refuser. Kukatala, de rejeter kukatupa, l'appel de Dieu wito ya Mungu, dans leur jeunesse. Mubuyana bwabo. Frère, nduku, c'est une grosse erreur. Ni kosa moya mkubwa. Quand vous voyez, wakati unaona, même dans la vie ici, hata mu maisha tu humu, c'est la foi où les gens viennent à Christ. Bantu, les gens viennent à Christ. Mara mingi watu wanakuwa kwa Kristu. C'est dans leur jeunesse. Ni mubuyana bwabo. C'est-à-dire entre 8 ans, ni kusema kuanzia pa miaka 8 et 21 ans. Na miaka 21 na moya. Même entre 10 ans et 21 ans. Kuanzia hata pa miaka 10 mpaka miaka 21 na moya. Entre ces années, mukatikati ile mamiaka, tout homme se forme. Mtu yote njo wakati anakalamu kujitunga. C'est-à-dire, il est en train de croître. Ni kusema anaanza kukomea. Il est en train de se forger une voie à suivre. Eko naenda na jitungia njia mule anapasa kutembelea. Il est en train de se forger une vision de la vie. Eko naenda natunga kuona kumwa kwa maisha. C'est une période très délicate. Ni wakati moya ya damani. Si c'est très délicat. Ni si vous la ratez, kama tu unapusa ile, vous risquez de perdre votre salut. Unaweza hata kupoteza wokovu yako. Angalie. Beaucoup de gens babiana bamingi viennent à Christ dans cette période là. Bana kuyaka kwa Kristo ni mpaka mwile zaidi mwile mawakati. Mais quand les gens dépassent c'est les 21 ans, 22 ans, 23 ans. Lakini wakati watu wanapitisha miaka 22, 23. Ils se taillent maintenant une vision et une voix. Banaisha kujipasuria kuona kumoya na njia moya. Qu'ils veulent effectivement suivre. Ambao wanapasha kabisa kufuata. Mais quand les gens atteignent 30, 35 ans, na wakati watu wanafikisha miaka 30 na 35, fixent dans la voie qu'ils ont choisi. Banashimamia pa ile njia ile barichakula. Et quand ils arrivent dans les années 45, 50 ans, 60 et au-delà, wakati wanafika 40, 50 na kule yulu, ils se sont déjà enracinés dans ce qu'ils ont suivi comme voie. Banesha kuweka mijiji mu ile baritunga na njia. Ça devient très difficile d'échanger leurs pensées. Na binakuya sasa nguvu zaidi juu ya kubadilisha mawazo yao. C'est ainsi que vous voyez même parmi nous ici, regardez. Njoo kama mko naona katikati yetu hapa mwangalie. Il n'y a pas beaucoup de grandes personnes. Hakuna kabisa watu wakubwa ba mingi. Vous voyez? Regardez parmi nous ici. Angalia katikati yetu. Il n'y a pas de grandes personnes. Hakuna watu wakubwa ba mingi. Les gens déjà de 50 sont à compter du doigt. Bantu ba miaka 50 ni bakubalula. Les 60 là n'en parlons même pas. Ba makumi sita ndio siseme. Les 70 n'en parlons pas. Ba makumi saba siseme. Vous voyez, 80, je ne pense pas qu'il y a une sœur ici qui a 80 ans. Ba makumi munane siwaje kama kwa dada mweko na miaka 80. La plus âgée parmi nous a 79 ans. Mukubwa kabisa katikati yetu kuna miaka 79. Vous voyez un peu? Munaona? C'est-à-dire, ni kusema, dans ces années de la vieillesse, mwima miaka ya buzee, ou d'âge adulte, au mu miaka ya kukomea, l'homme s'est déjà forgé la voie qu'il doit suivre. Mutu acha kujipasulia njia anapaswa kufuata. Et il s'est ancré dans ce chemin là. Anaisha kujiingisha mwili. C'est difficile de changer. Binakuwa nguvu kumbadilisha. C'est moi même quand vous parlez avec nos papas pentecôtistes. Ndio kwa maana nataka mnasungumuza na papa wetu, ba méthodiste, ba pentecôtiste. Qui ont expérimenté le mouvement de la Pentecôte. Bale bari onzaka ile onja ki Pentecôte. Qui a accordé une longue vie jusqu'à maintenant. Bale Mungu alikabidia mashiku mwisho kwa pale. Qui a porté le message du temps de la fin. Kama nawaletea mjumbe wakati wa mwisho. Ils reconnaissent que non, ce que vous dites est la vérité. Banajua kusema hii mnasema ni vya kweli. C'est que nous étions au début de notre foi. Kusema ndiole tulikuyaka kumwanzo ya imani yetu. Mais maintenant, lakini hapa sasa, les choses ont changé. Vitu vilibadilika. Maintenant les enfants, il y a tellement de jeunes filles et de jeunes garçons qui s'amusent dans nos églises. Kuna kwa sasa babiana banaume na banamke banakana. Nous-mêmes nous avons des difficultés pour apporter la parole. Ndio kwa tunakuwa na magumu ya kuleta neno. Mais que vous dites là, c'est la vérité. Lakini vile mnasema ni vya kweli. Et quand vous lui dites, wakati unamwambia, mais papa, sasa papa, tu connais la vérité. Unajua ukweli. Pourquoi ne pas abandonner ces mensonges là? Parce que l'église méthodiste ou les pentecôtistes sont déjà tombés. Dieu n'a pas de quoi être boule bongo, Dieu il est ma canisse et ça kwanguka. Parce que tu sais la vérité. Dieu ouais on a eu à quoi. Et toi tu dois suivre la vérité. On n'a pas ça pour toi t'as quoi les anéno. Alors il sourit. Pas la nacheka. Il dit vous êtes un enfant. Anasema ukomutoto. Alors voyez l'histoire de changer l'église. Non ma adisha badisha ma canisse. Badisha ma canisse. Ça ce n'est pas bien. Aina mzuri. Vous serez comme une chauve-souris. Utakuwa sa popo. Et pourtant c'est un mensonge. Japo ni vitu vya bongo. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive à prendre cette position? Ni nini, qu'est-ce qui lui arrive? Ni nini qu'on a mufikia bebe ile mipango? C'est parce qu'il s'est déjà ancré. Ni kusema acha kujiweka. Dans la voie qu'il avait suivi longtemps. Mundiele alifuataka muda mrefu. Ça fait 60 ans. Inakuwa miaka 16. Il est chez les méthodistes. Eko kwa missioni. Ça fait 65 ans. Unakuwa 65 ans. Il est méthodiste. Eko mtu wa missioni. Et quand il vous voit toi un petit enfant. Wakati anakuwa na mtoto kiloko. De 25 ans, de 35 ans. Makumi mbili na tano ya miaka. Parle de la parole de la parole de Dieu. Vous voyez, il ne comprend pas cela. Allez, je l'ai où il est. C'est vrai, frère. Nikweli Nduku. C'est vrai, ma soeur. Nikweli Dadayang. Il est très important, vous les jeunes frères. Iko ya mafasa na mwe babiana. Et les jeunes sœurs. Banduku na babiana badada. De choisir la voie du salut. kuchakula njia ya wokovu, la voix de Christ, njia ya Kristu, pendant que vous êtes jeune, wakati kingari kiyama, quand vous le faites, wakati unaifanya, vous avez pris une meilleure décision dans toute votre vie. Ni mipango mizuri ile unabeba maisha yako kupita yote. Un enfant, wakati mtoto, prend la décision de servir Dieu, anabeba mipango kutumikia Mungu, à cet âge de folie, mui wakati ya bashimu, ya kukosa kushiki, de trouble, ya fujo, frère, nduku, Dieu honorera la foi de cet enfant. Mungu ataheshimia imani ya ule mtoto. Et Dieu rendra votre vie heureuse. Na Mungu atafanya maisha yako ya heri. Oui, bien aimé frère et sœur. Ndio ndugu na dada mpendwa. Ça n'a jamais été une erreur. Aya kuyaka kamwe kosa. Au Seigneur Jésus-Christ. Ndio kwa maana Bwana Yesu Kristo. Quand on est enfant, quand on est jeune. Wakati ungali kijana. C'est une chose qu'on doit même pas regretter. Aina kitu kile unapata pas kuzunika. Ça appelle la joie de la jeunesse. Kile watu wanaita furaha ya buyana. C'est l'immoralité. Ni kukosa kwa heshima. C'est de la folie. N'imagine. Il veut seulement se plaire du péché. Banapenda tu kufurahiwa mzambi. Qui détruit? Et leur esprit? Ile kuna pomona tama wazo yabo. Et leur corps? Mwili yabo. Et leur foi? Ata imani yabo. Voyez bien mes frères. Munona ndugu mpendwa. Ce n'est pas pour rien que Ecclésiaste nous a dit ça. Aina kwa bule mhubiri iko natuambia ile. L'église est avec moi. Kanisa kwa pamoja nami. Ne croyez jamais que tout vous est permis parce que tu es jeune. Ne croyez jamais que Dieu fermera les yeux à tes péchés. Oh. Je me souviens une fois j'ai parlé à la réunion du soir chez moi à la maison. Je disais à mes enfants que Dieu se souviendra toujours de vos fautes de la jeunesse si vous en répentez pas. La jeunesse n'est pas un cadeau que Dieu t'a donné pour faire ce que tu veux, non. Tu payeras toujours. Écoutez comment l'homme le plus sage parle en Ecclésiaste 12 au verset 1. Sura 12, kijana. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Furahiwa mubuyana wako. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Toa roho yako kufura wakati ya mashiku ya buyana yako. Marche dans les voies de ton cœur. Tembea manjia roho yako. Et selon le regard de tes yeux. Na kufatana na kuona kwa macho yako. Mais sache que pour tout cela, lakini upate kujua mubile vitu vyote, Dieu t'appellera en jugement. Mungu atakuitaka kuhukumu. L'église est avec moi. Je vous ai promis que je vais parler lentement. Nilimila kusema tasema pole pole. Quand vous lisez la première partie, wakati unasoma hii fuashi ya kwanza, les jeunes se frotteront les mains. Babiana batapika mikono. Avec une compréhension littérale et satanique de la Bible, na kuelewa kumoya kwa shetani. Tout jeune homme, toute jeune fille dira, kijana mwanaume na mwanamke atasema, munaona? Mungu alisema, que je dois me réjouir. Je napasa kufurahiwa. Je dois marcher. Napasa kutembea. Dans les voies de mon cœur. Mumanjia ya maro yangu. Selon le regard de mes yeux. Patana bila niko naona. Avoir cette compréhension, vous êtes séduit. Kuya na kule kushikia kwa ile namna uko mwenye kutongozwa. Oui, bien mes frères. Munandu mpendwa. Mais comment une jeune fille? Sasa namna kani binti? Dans la maison paternelle. Munyumba ya bazazi. Au lieu d'utiliser le talent que Dieu vous a donné pour servir Dieu. Pale pa yeye kutumikisha ile zawadi Mungu anukaburia juu atumikie Mungu. Mais vous vous révoltez contre les parents et contre la parole. Lakini unatombokea bazazi na unatombokea neno. Vous êtes maudit. Uko mwenye kulaaniwa. Vous ne comprenez absolument rien. Awelewe kintu. Et que tu dis? Andiko nasema. Mais. Lakini. Attention. Sopoka. Rappelez-vous. Ukumbuke. Que pour toutes ces mauvaises actions. Mobile bitu biote bibaya. Que tu as commise dans ta jeunesse, bile ulifanya mubuyana wako, Dieu te jugera. Mungu atakusambishaka. Ce n'est pas un cadeau. Aina cadeau. Comme je le disais, la jeunesse n'est pas un cadeau qu'on a donné aux jeunes gens pour vivre n'importe comment. Buyana aina cadeau Mungu alikaburia babiana baishi vile wanapenda hapana. C'est pourquoi dans le verset 2 l'écriture dit, bannis de ton cœur les chagrins. Funga muro yako. Bani. Shimamisha. Shimamisha muro yako. Bannis de ton cœur. Shimamisha muro yako. Le chagrin. Ma uzuni. Et éloigne le mal de ton corps. Na peleka bubaya mbali na mwili yako. Une jeune fille, un jeune homme, kijana mwanaume, doit éloigner le péché de son corps. Anapasa kupeleka mbali dhambi na mwili yake. Oh, ningingari kiana vinafanya nini? Ningari kiana na mimi nifurahi weko. Mambo ya Mungu ni abaze. Uko mwenye kulokewa. Le Jérémie dont Dieu parle ici, c'est un enfant. Jérémie en bas, Mungu anasemea hapa, alikuwa gari. Peut-être toi tu n'as même pas là de Jérémie. Sa zingine wa una ta miaka ya Yeremia. Dans la Bible ici, mu Biblia humu, Dieu a commencé à traiter avec les gens à l'âge de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans. Mungu alianza kutumika na bantu ku miaka 7, miaka 8 na miaka 9. Toi une jeune fille. Wewe binti mwanamke. Vous vous rebellez contre les parents. On a tomboké à bazazi. Pour aller se prostituer. Dieu a kwenda kufanya bundumba. C'est grave ça. Ni ya tari ile. Une jeune fille de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, elle n'est même pas majeure. Binti wa miaka 13, 14, 17 ans, ashiakome ata. Au lieu de se consacrer à Dieu et à sa parole, délivrer son corps à la parole de Dieu, et à Mungu, Dieu. Na kwa Mungu, mais lakini, elle se livre dans la prostitution. Anajitoa mubundumba. C'est une malédiction. Ile ni lana. Mambo ya kushangaa. Mambo ya kushangaa. Kuona mtoto wa 14 ans et qu'on enda kudekusher. Quelle malédiction. Lana kanini. C'est ça la joie. C'est ça le plaisir. Et il est njo fura. Njo fura. C'est ça la jeunesse. Njo buyana bule. Non frère. Apana ndu. Comment une fille de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Kwa ile miaka kidogo. Elle commence déjà à découcher et ses parents ne disent rien. Ananza kulala inje na basanze baseme kintu. Ça c'est une maison maudite. Il est ni nyumba ni kulaniwa, jamaa kulaniwa. Non frère. Apana nduku. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Les parents te conduisent à l'école dimanche pour te donner une occasion que Dieu t'aide. Bazazi wanakuongoza kwa masomo ya mudimanshi juu bakupatie bahati ya Mungu akusaidie. Mais une fille de l'école de dimanche découche. Lakini binti wa huku masomo ya mujuma eko na lala nje. Anatomboka na yeye, anatombokea mabara ya kiwewe. Na hii manganda ya mabashi. Anatombokea kutuma kariere humu. Na hili si malediction. C'est horrible ça. Nibia atari bile. Frère. Ndoku. Sœur. Lade. Musiki. Dieu t'a donné une responsabilité. Mungu alikuburia madaraka. Et vous devez l'assumer. Na unapasa kuifanya. Avoir les enfants. Kwana batoto. N'est pas un plaisir. Aina tu fura. Kujifuraisha. Avoir les enfants, c'est aussi une responsabilité. Que vous devez assumer et devant Dieu et devant les hommes. Na batoto beko na labika, neju mwe bazazi, munesha kudemissione mukaji Mungu alimupachi. Dans vos maisons, il n'y a plus de fouet. Aujourd'hui, il y a une perversion. Leo kuna kuya kuharibika. La nourriture que nous mangeons. Juu ya biakula tu kuna kuria. Ba mtoto akingali mtoto angana bunene ya majiba juu ya biakura bile kuna kure. Et vous voyez seulement ces seins là, na una vile majiba non, c'est une fille adulte. Unaweza kusema ni binti wa kukomea. Pasi majiba inaisha kumtoka, kumbamba, kumpika vinakuwa haya. Wewe uko na akili ya mingi sana kumpita na Mungu. C'est lorsque les filles et les garçons ni wakati babiana na mwanamke comprennent maintenant que les parents ne peuvent rien leur faire. Banaelewa kusema bazazi bana na kile batabaweza wafanya. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Bana baachiria tu mvile bo banapenda. Ils font ce qu'ils veulent. Banafanya kile banapenda. Les parents ne disent rien. Bazazi baseme kitu. Ils ne peuvent pas élever la voix. Abawezi yako kufoka. Au lieu que le papa ou la maman prenne le fouet pour redresser sa fille, mais il trouve l'occasion d'aller chercher le pasteur, le diacre pour conseiller sa fille. Lakini manakaburia ba manyumba yenu munafanyaka mukaji kani muko ba Kristo wa namna kani uko baba mu Kristo wa namna kani incapable ya kuikarisha bibi yako na batoto yako kubashauri. Hii sauti yote ya Mungu unasikia iko na kusaidia kunini? Dans l'éducation des enfants, il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité de Dieu, de l'Église. Na ya kanisa. Hapa na vitu vyote unatuka paka kanisa. Na mambo kidogo ya kutengeneza mnyumba yako, mumuite pasteur. Mumpeleke kwa pasteur. Le pasteur de conseil, mais c'est toi qui as le fouet. Pasteur est na mashauri lakini wakupika mfimbo ni wewe. On doit être sage. Napasha kwa hekima. C'est une délinquance des parents ni qui amène la délinquance juvénile. Ni buvoyu wa bazazi ndio buko naleta buvoyu wa bazazi. Ni comprendre pas. Jua baelewe. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Ce n'est pas juste. Abina bya kunyoloka. Nous ne devons pas abandonner nos enfants. Nous devons les aider. Atupashi kuachilia watoto wetu, tunapaswa basaidia. Surtout quand ils traversent une période de folie. Mara mingi wakati wao napita wakati ya majimu. Parce que si un enfant, une enfant se rebelle déjà, se révolte à l'âge de 14 ans, 15 ans, elle est déjà dans les bars, elle connaît déjà des hommes. Ni mwana mko wana mna kanula utawezi kutumaini. Hata kusaidia kunini? Na wala wakuzali biko bie? Iko mzuri kukosa kuzala kuliko kuzala batoto bandumba na bavuayu na mfutaji ariamu na ye pale lizariko walimunuya na masikre wanumpikia na tukundurilo ase mtoto anakui kumbi shetani? No frère, apana nduku. Nous avons la responsabilité de faire comprendre à cela à nos jeunes gens et à nos jeunes filles. Et le fouet ne doit pas s'éloigner de notre maison si les enfants ne comprennent plus. Nous ne devons pas nous fatiguer de dire. Mama ni wa kusema kila siku. Ndio kile ambao uko mama kufoka. Oh mimi nasema sana mimi nachoka ni kazi yake. Uko mama bumbafu ni kazi yake je? Uko paka wa kusema hata jana usema leo useme tena. Kesho tena useme. Kesho kutwa useme. Sasa wote ni travail. Ni kazi yako. Oh mimi nampachaka paka baba yake rapport. Baba yake hataweza kuwa mwenye kuchoka aiko amburie na mambo mingi. Tu es là pour l'aider. Uko pale juu yako msaidia. Baba anachaka na watoto baba mimi mama siku mingi. Si mwe mama ta ya mata mingi si mwe bana mtu. Sio hizo kwa trouble. Tu ne peux pas prendre toute cette responsabilité. Tu lui fais les rapports, mais tu fais ton travail. On a mon parti à barre, mais là, qui nous a fait cacher. N'abandonnons pas nos enfants nous-mêmes. Tu sais attirer votre toto et tout. On a un mouton, toi, on a un dia, moi, vous comprenez, mon vaya. Tu étais là. Tu ne dis rien. On est là, qui m'a aussi, mais qui est tout. Un enfant, un parent, il observe. En gardant belle votre toto, il va lui dire, il va lui dire, il va lui dire, il va lui dire, il va lui dire, il va lui dire, il va lui dire. Vous trouvez ta fille ou ton garçon nakuta binti wako kiana wako mwanamke rafiki yake ni paka batoto baba ndumba eko na komea munyumba amuna baba ayue baba yake bengine bayu ataba mama yabo bana komea na bankambo yabo et ton garçon ou ta fille fréquente une fille ou un garçon de qui a cette vie là. Vous pensez qu'elle a une éducation à lui donner? Unawaza kusema kwa shauri ya kumpatia? Kambo yake c'était un pensionné, ikoni mashamba, des fois bukari buko nguvu, ni paka kale katoto kale ka 15 ans, kiko nafana busharati, kana mulete na ye, nani mbekeje abunga, nani pensionné wapi? Atamfanya nini? Na mwe mune karama zoeza kuenda kutuma batoto kubantambo yenu, muko babiwelewele. Batoto unazala weye abana bankambo abana baba yako na mama yako akuchungie hebo batoto bale unazala ni wewe ndio kuwachunga vile baba yako na mama yako walikuchunga ni wewe ukomeshe batoto yako ibafundishe mzuri vile wewe walikufundisha mesavi kichwa yako kiko malari sepu kwa uko natoka mu responsabilité yako unatwika hiyo bankambo nani baba wazazi yako et tu répondras pour ça. Kama mtoto analabika parce que tu n'as pas pris soin de lui, tu répondras pour cela. Utaisambiaka ile mambo. Ce sont pas vos parents, ces grands-pères qui seront jugés. Aina bankambo wale watasambaka. Sont des responsables, frère. Tukuye na madaraka yetu nduku. Nous devons les aider à suivre la voie du Seigneur. Tunapasha basaidia bafate njia ya Bwana. Et quand vous lisez dans la Bible, ce sont les jeunes gens qui ont du succès. Les jeunes gens ont du succès. C'est vrai, frère. Je pense que les parents ont compris. Qui ont compris? Ah, si tu n'es pas un parent, il ne faut pas mettre la main. Comme on a une parole qui s'adresse aux parents, vous, ce sont les jeunes. Vous voyez bien mes frères. Prenons nos responsabilités. Quand on a semé mutote yako eko na fuata njia bapagano upika ye mfimbo mwilonyi na ili compagnie. Apana mutota na kupita nguvu. J'ai vu d'autres parents. Mutota na fana binta buwelewele. Me ye na mpika. Mutota na ria na ria. Jua na yuwa sem baba yake ni feble. Baba yake njeko na kwa kumbembelesha. Naomi wangu, Esther wangu, kimya, acha, mita kuhisha biskwi, acha. Uko mbafu. Tu ne connais rien de la part de Dieu. Et tu es même habité par les esprits démoniaques. Awe kitu mumambo ya Mungu na uko na mapepo mchafu. Un seul enfant. Mutoto ele namba. Utamusajiaka nini? Si un enfant est abandonné à lui-même, tout ce qu'il demande, on doit le lui donner. Si on ne lui donne pas cela, il va se pendre. Et les parents doivent tout faire pour faire ça. Et si bazazi mapasha kufanya biote juu afanye ile. Ah frère. Apana nduku. Même les jeux des enfants, on doit contrôler tout ça. Hata michezo ya watoto unapasha kuangalia yote. Que Dieu nous assiste. Je m'arrête là. Mina shibamia pale. Mais vous les jeunes gens, moi babiano, écoutez, musikilize. Bannis de ton corps les chagrins. Shibamia. Et éloigne le mal de ton corps. Mbali bubaya na car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ni ubatili. La jeunesse et l'aurore. Na mapambazuko. Est une vanité. Ni ubatili. Regardez quand le soleil se lève, il fait combien de temps? Angalia wakati yeye anatoka kwa anafanya wakati ngapi? Profitez de la jeunesse. Faidia mubuyana pour connaître Dieu. Je pate kuyua Mungu. C'est pourquoi les versets qui viennent après. Njoko maana hii andiko inakuwa kwa. La Bible dit, Biblia inasema, mais souviens-toi de ton créateur. Lakini kumbuka pendant les jours de ta jeunesse. Mumashiku yako ya buyana. Avant que les jours mauvais arrivent. Mbele mashiku mubaya kufikie. Et les années s'approchent. Na mashiku ifike. Où tu diras? Ule utasema. Je n'y prends point plaisir. Je tena furaha. Frère, pour les jeunes gens. Biana. Mulchad ni mawazo ya bongo babiana na shitu likuyaka nayo. Kiana wote anawazaka seme kama nakomea kama ni mwanaume batamua paka ku directeur commerçant munene voyez mtu moyo wa franga préfet wa masomo, batamoko ko pasteur wa franga, macho yake muli na mwakili yake aone mu mateso. Un jeune homme, kijana, il grandit. Wakati unakomea. Il se croit très sage, très intelligent. Anawaza kuwa na akili sana. Plus sage que les parents. Na akili kupita hata bazee. Que les vieillards. Akili kupita bazee. Plus sage que les pasteurs. Sema anapita hata mchungaji wake. No, bale beko na teswa. Bale beko na teswa. Abana na akili, abana na nguvu. Moi, mie. Je serai en Afrique du Sud. Moi. D'accord, quoi, Afrique du Sud. Mie. Moi. Mie. Moi. Mie. Moi, je ferai. Moi, je ferai ceci. Mais t'as quoi, Ivi? Comment on dit d'abord tout? On fait l'expérience, on va nous poser la question. Ouais, on a peine d'accueillir Nini. Ouais, t'as quoi, Mbia? Ah, c'est. Oui, moi, là, c'est moi, non, non. Mie, ministre. Oui, là, c'est non, non. Directeur. Oui, là, c'est non, non. Commerçant. Ah, ou t'as chia, mouta, la quoi, Mbia, que c'est non, mina penda. Oui, là, moulimage. Ah, voilà. Non, non, mi tanda kukata ma fleur. Ile ma pensée a inatanda ni yao. Frère, la vie a des surprises. Ndoku, maisha nekalaka na bitu ya kushanga. Nekalaka mi kono mou répéter ki le kintu. Même à mes enfants, je leur dis ceci. Même dans les choix, j'ai toujours répété cela. Muntu ashikulande, apana kuchika mwanaume pase kona franga, unalanda. Tu te trompes. Najilanda. Ichika mwanaume pase huko unaona ndani yake Mungu. Kaona Dieu. Wakati uko na Mungu. Frère, on a tout. Nduku uko na biote. Ce ne sont pas des slogans. Aina tu misemo bure. C'est une réalité. Ni mambo ya kweli. L'argent. Pesa. Si, il faut vous donner un témoignage. A tout à toka, à ta jour, je m'étends pour m'pacha, mambo, des gens qui ont commis des erreurs, des filles qui ont commis beaucoup d'erreurs. Babinti barfana mankosa mingi. Mon Christ, tout le monde machikina na mufata na mukatala parce que le mon Christ. Mais kajambaji kanakuya kenye kukata, kekona kata, kanapakala, kekona ngalangala, kabane kanyoa huku. Tundevu kanacha hivi, kakilato bien sure, kashimize keko na yembela kefu, kefu na kamushua, anona seme njo ata mchungu. Unechika mateso umbi. Tule tenyezi masiraji yako na pakala pakala, ni tula naibaka mkopo ya siraji ya baba yake. Njo hile yako na pakala, yako na kutonguza nato. Ye mwenyanze kuitafuta ile siraji, na tumashemizi. Pasi kale kapantano na shemizi, ni baba yake na mwishia. La responsabilité de la vie, c'est autre chose. C'est pourquoi les conseils que je vous donne avec tout mon cœur. Mon mambo yote, appuyez-vous sur Dieu. Quand on a dit appuyez-vous la mawazo yako, tu seras déçu. Et même vous les parents, ne conseillez pas les gens dans cette voie-là. De bien matériel. Afana kuongoza bantu mmanjia ya vitu. Ya kutafuta bantu mfranga. Si toi tu as des moyens, d'accord. Kama wako na feza ni mzuri. Est-ce que le mari qui prendra ta fille aura des moyens? Eti ule atoa binti wako atakuwa na namna? On doit instruire cela à nos enfants. Tunapasa kufundisha ile batoto yetu. Mais si on a Dieu, on a une sécurité sûre. Wakati tuko na Mungu, tuko na ukingo ya mimi nitoshe tu mtoto yangu, nimweshe tu kwa mlimaji wa mashamba. Kweli? Umutafute umoyo kwa ministri. Siku moyo ya utalala inji. Teko mjia ntandi l'ancien dimanche la fere de remarque. Nilisikia mzee aliweka ngalisho mjuma. Fere. Nduku. Kama mtoto ananza kuteswa. Kubukweli, si tu batoto banamuke. Batoto banaume mbele, amuyambuko. Si ata, ata anza kulima ata mashamba lwake, yeko nafana bimbotela, anenda kufana kapa yote yake kama nyasha nekalamu. Sasa mwanamuke. Maisha mwanamuke ni maisha ya magumu. Ifo Mungu amuasiste. C'est comme l'ancien le disait. Ni vile mzee alianza kusema. Tunapasha kuimkokota kwa mashikio. Juu mwelewe binti ya Mungu mzuri. Mungozi batoto yenu munje akimungu jo mule muko baraka. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. La vie est pleine de surprises. Maisha iko yenye kuyala na vitu. Et dans la vie, na maisha, tout peut arriver. Vyote binaweza kufika. Nous sommes exposés devant tous les malheurs qui sont attachés aux humains. Yenye inangalia bantu. C'est pourquoi tu rends très attention. Joko amana tusopoke. Utaweza kukataa la mashikini. Sasa kesho namuona. Anakutembea mumotoka. Shiro itakuma. Hata wewe uliowesha mtoto kwa mtajiri. Sasa ule mtajiri unamuwesha kama ni licencié, kama ni master, si atujue bila bintu, kama ni licencié, odesia ba, kama ni docteur, mtu mwalifunda masomo, kama ni kukampisi mnene ya Lubumbashi ile, sasa mtoto yako kuna lala paka inji. Mule muro yako mule utalala kuna fura. Chutanda kulala machi, kuna macho, we ulikuyaka mari huko na cheka, meme tena, unaanza kulala huko na ria. Ce sont les réalités de la vie. Ni maukweli ya maisha ile. Oyesha mtoto kwa mashikini mtoto wa Mungu atakuchungia mtoto. Na Mungu atawasaidia. Parce que Mungu atachake baki. Ça nous clouons cette pensée avec la dernière énergie. Tunaweka mkazo kwa hii wazo na nguvu yote. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Mais vous les jeunes cherchez l'Éternel. Lakini mwe babiana mtafute wa milele. C'est une très grosse ni kosa mkubwa. D'abandonner Dieu dans la jeunesse. Kuachilia Mungu mbuyana. De faire ce que vous voulez dans la jeunesse. Kufanya bile mnapenda wakati. Tout en ignorant la parole de Dieu. Mkuacha neno ya Mungu. Avant que le mal ne t'arrive. Mbele bibabi kufikie. Avant que les difficultés ne t'arrivent. Mbele magumu kufikie. Ayez Dieu en vous. Vous saurez traverser les temps difficiles dans la douceur. Utapita ile wakati ya nguvu na upole. Hapana mambo inaweza kufika. Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Kama Mungu pale utande la pe wewe ulimuiwaka. Wakati Mungu alikuwa anasema wakati ya salama ulimuiwaka. Non frère. Hapana nduku. Pour ceux qui se confient en Dieu, kwa benye kumutumainia Mungu, et qui espèrent en lui, na benye kumutumainia, ils ne manqueront de rien. Abawezi ukosewa na kintu. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Mais aimez Dieu dans la jeunesse. Lakini mupende Mungu mukuyana bwenu. Toute votre force, toute votre jeunesse, bwenu bote, les pensées de la jeunesse, mawazo ya buyana, les talents de la jeunesse, ma nguvu ya buyana, servez avec ça Dieu, mutumikie nao Mungu, et Dieu sera miséricordieux envers vous. Na Mungu atamishikiria buluma. Utakuwa na wakati, hata mateso na kubamba, utakuwa na maombi ya kuomba. Tu diras au Seigneur. Utamwambia Bwana. Bwana. Tu connais ma situation. Unajua hali yangu. Même si tu as fauté, il va te pardonner. Hata kama ulikosa atakurumia. Parce que tu as une prière. Juu kuna maombi. Tu as quelque chose à lui dire. Uko na kia kumuonesha. Seigneur, comment j'ai marché? Unajua vile nitembea Bwana. J'ai gardé ma virginité pour toi. Nilichunga ubikira yangu juu yako. J'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. Nilitolea buyana wangu juu yako. C'est mon cœur. Unajua roho yangu. C'est mon esprit. Unajua roho yangu. Tu me connais bien. Unanijua mzuri. J'ai failli, c'est vrai. Nilikosa bya kweli. Je suis un humain. Juu niko mtu. Pardonne-moi. Lakini unishikirie buluma. J'ai à mon secours. Nisaidie. Je t'aime Seigneur. Nakupenda Bwana. Je t'aime mon Dieu. Nakupenda Mungu wangu. Je n'ai pas quelqu'un d'autre que toi. Sina na mwingine kupita wewe. Je t'aime secours. Huyo nisaidie. Nduku. Si tu fais cette prière là sincère. Kama unafanya ile maombi ile. Il te répondra. Atakujibia. Est-ce que ça fait cela? Prépare-toi, tu vas mourir. Il dit, t'as riche, t'akufa. Il dit, tu sais, Seigneur. Ah, comment j'ai marché avec intégrité. Namna nitembea na kunyoloka. C'est pourquoi, frère, oui, c'est sauti à Mungu. Ata tuko na mambo, tuko na bintu bia kumuambia Mungu. Na kama unamuambia Mungu bintu, unamuteneka. Unamuambia seme, nilifuanya hivi, nilisakifie hiki, niju yako. Pendant que mes amis faisaient ça et ça et ça, wakati benjango alikuwa fanya vile hivi. Moi, j'ai abandonné ça pour toi. Mimi niliacha bile juu yako. Sasa kwa kesho ni difficulté. Sasa ngara niko magumu. Mabandonera chi? Utaniacha? Eh, umwambie Mungu bile. Akuache. Ah non frère. ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Wakati ngine kama mtoto wa Mungu anaanza kuomba iko na anaanza kuomba dans la sincérité moyo wake anaanza kumkumbusha Mungu neno lake chiadisa ulisema hivi ulisema hivi ulisema hivi mimi nilifanya hivi nilifanya hivi niko mumambo Bwana wewe unisaidie nduku wewe uko nalia na Mungu na yeye anaanza kulia. Unaanza kumkumbusha mateso parce que Jésus il comprend bien notre situation. Anaelewa mzuri mambo yetu. Il est devenu l'un de notre. Anakuwa mmoja wetu. Il est devenu un homme. Alikuwa mtu. Ni jua shiriki. Ana souffrance. Mateso yetu. Il nous connaît bien. Anatujua mzuri. Quand toi tu pleures. Wakati unalia wewe. Dis mie mimi tafuya pa kumsalaba. Yeye naye anajua mambo alifuya kumsalaba. Aina ya bantu ba nguvu, aina bantu ba kunyoloka, ni bantu wabaya sawa wewe na mimi. Fre anaanza kulia kwa mbingu. C'est pourquoi il est sur le trône, il a le sang. Ndio kwa maana ukitieze kwa damu. C'est un agneau. Ni mwana kondoo. Il a le sang. Ashina simba iko na damu. Voyez quand vous vous repentez. Wakati unatubu. Vous demandez sa miséricorde. Unalomba rehema yake. Il dit toi Dieu miséricorde. Wewe Mungu wa rehema. Ulisema. Il est plein de miséricorde. Unajana neema. Et ta miséricorde dure toujours. Na rehema yako ni ya milele. Unashirikaka pole pole. Na wema mingi. Kumbusha Mungu. Frère. Faites toujours une prière conforme à la volonté de Dieu. Kufatana mapenzi ya Mungu. Hapana kusema kanya. Même un peu de mots. Hata misemo kiloko. Mais utilisez la parole. Tumikia neno. Et il te répondra. Pale atakujibu. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Peut-être pour terminer. Juu ya kumaliza sasa. Vous les jeunes gens. Mwe babiana. Ne croyez jamais que tout vous est permis. Mshwaje kusema byote binaruhusiwa kwenu. Ne pensez pas que le péché de la jeunesse. Mshwaje kusema dhambi ya mbuyana sera impuni. Sema Mungu achita ipikaka achita ilapishaka. Si vous ne vous repentez pas. Kama mtubu. Sachez que Dieu vous punira pour cela. Mujue kusema Mungu atamhukumu juu ya ile. Ne croyez jamais. Na mshamini kwa. Que passe temps de servir Dieu dans la jeunesse. Kusema ni kupotesha tu wakati kutumikia wa milele mbuyana. Kama ushakotola. Tu as emprunté toi en tant que jeune. Ulifuata njia. Njia mubaya le sang dame à cette heure ici est à côté du trône. Kati kingani mkitikia hizi. Repentez-vous. Tubu. Prenez une nouvelle décision. Be mipango mupya. De marcher avec le Seigneur. Ya kutembea na Bwana. Ou les parents. Mwe bazazi. Qui abandonnent vos enfants à eux-mêmes. Benye kwa chilea batoto yenu. Be benyewe. Nduku. Ma soeur. Dada yangu. Vous n'avez pas plus d'amour que Dieu. Amona na mapendo kupita Mungu. Conduisez-les dans la crainte. Mubaongoze muboka. Ils feront la joie de votre cœur. Bata furaisha roho yako. Ils feront la joie de votre cœur. Gardez le fouet dans votre maison. Parlez. Conseillez. Chauria. Soyez réprimandez vos enfants. Où êtes-les? Vous piquez un fimbo. C'est en accord avec la parole. C'est vrai frère. Ne pensez pas qu'il faut attendre qu'ils deviennent adultes pour les convertir. Mais quand ils sont jeunes, vous en tant que mère, vous en tant que père, vous avez l'occasion de les conseiller. Que Dieu nous vienne en aide, nous les parents, à devenir de véritables responsables qui peuvent éduquer leurs enfants dans la voie du Seigneur, dans les chemins de la crainte. Que Dieu aide nos garçons à écouter, à s'humilier devant les conseils des parents pour qu'ils deviennent des messieurs responsables et devant Dieu et devant les hommes. Des hommes et des femmes sauvés. Lève-nous pour la prière. Avez-vous compris? Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Prions avec notre cœur. De vrais frères. Si nous avons des jeunes gens chrétiens. Des jeunes filles chrétiennes. Qui se consacrent au Seigneur. Cette église sera un paradis. Prions-nous tous ensemble. Seigneur, merci.